dans mon pays. Laisse l'aquarelle du mètre de gris au bleu de ton ciel. Viens dans mon pays, il y a deux soleils, l'un pour ceux qui vivent, l'autre pour le sommeil. Il paraît qu'ici, le soleil se couche et qu'un soleil mort vient le remplacer. Moi dans mon pays, les soleils se touchent quand l'un va briller et l'autre se cacher. Oh tu sais, chez moi, il n'y a pas de saison. On ne connaît pas l'époque des moissons. Mais les blés sont d'or de janvier au mois d'août et le vent si doux. Il y fait si beau qu'avec l'hirondelle on voit jouer le loup en plein mois d'hiver. Il y fait si chaud qu'il y a près du ciel des fruits d'amadou et des torrents de miel. Tu sais, chez moi, il n'y a pas de saison. La vigne côtoie la fraise et le citron. Les raisins sont mûrs de janvier au mois d'août. Et le vent si doux. Allez, viens chez moi, laisse l'aquarelle. Tu seras le loup, moi, l'oiseau de ciel. Je serai la fleur, toi, les deux soleils. Emmène ton cœur au pays des merveilles.